Il va sans dire que Rabat suit comme bien des capitales aujourd'hui du monde oriental ou du monde occidental le développement de l'affaire de Suez. On se montre en général très réservé dans les milieux officiels sur la prise de position du colonel Nasser et sur les conséquences qui, indirectement, pourraient rejaillir sur l'ensemble du monde arabe. On se borne à examiner les positions en présence, aucune déclaration n'a été faite à leur sujet. Cependant, l'opinion publique n'en est pas moins amenée à prendre parti. Première réaction ce matin, dans le journal du parti de l'Istiklal, Al-Alam. En première page, l'éditorialiste reprend à son compte tous les arguments du colonel Nasser pour affirmer notamment que la Compagnie du Canal était une société impérialiste et qui constituait un État dans l'État. Elle a été à l'origine des nombreuses catastrophes, poursuit le commentateur d'Al-Alam, catastrophes qui ont amené l'Égypte vers l'occupation et de nombreuses crises financières. Après avoir rappelé que le barrage d'Assouan est d'une nécessité vitale pour l'Égypte, dont la population atteint aujourd'hui 23 millions d'âmes, l'auteur déclare « Combattre le projet d'Assouan, c'est combattre l'avenir de l'Égypte ». Telle est la prise de position du parti de l'Istiklal, prise de position assez modérée dans le ton, mais assez ferme, on le voit, dans l'esprit. Il n'est pas impossible que, dans les jours à venir, ces prises de position soient plus fermes encore au Maroc, dans un Maroc qui cherche son équilibre entre le Caire et l'Occident. Ici Rabat RTF, à vous Paris. Elika Mbokolo, élargissons le propos à l'ensemble des pays de l'Afrique francophone, à cette amorce de panafricanisme que génère l'affaire de Suez. Oui, Nasser sort de cette affaire de Suez à la fois auréolé par l'audace de celui qui le premier a osé nationaliser et grandi par le succès de l'opération, puisque malgré l'intervention franco-anglaise, on ne reviendra pas sur la nationalisation. Du coup, la question du panafricanisme change. Jusqu'à Nasser, le panafricanisme, c'était au fond du pan-négrisme, la volonté de réunir dans un État ou dans une fédération tous les peuples et toutes les nations noires. À partir de Nasser, le panafricanisme devient continental, la réunion de tous les États africains, qu'ils appartiennent à l'Afrique du Nord ou à l'Afrique tropicale. Et d'autre part, Nasser introduit dans le débat politique quelque chose de nouveau. Jusqu'à lui, la décolonisation avait été conçue comme une affaire juridique et politique. Désormais, la décolonisation sera aussi une affaire économique. Et parmi ces événements fondateurs des indépendances, il faut mettre en bonne place celle du Maroc, obtenue au terme d'une histoire très agitée et que l'on peut tenter de résumer en quelques mots. Dès son discours de Tanger en 1947, le sultan Mohamed Ibn Youssouf, le futur Mohamed V, n'a cessé de demander la fin du protectorat français et une très large autonomie politique pour son pays. Détrôné en 1953 par les Français, Mohamed Ibn Youssouf est exilé la même année en Corse et par la suite à Madagascar. En 1955, sous la pression d'une opinion publique révoltée par la déportation de son sultan légitime et dont elle réclame unanimement le retour, le gouvernement français se voit contraint de modifier sa politique à l'égard du Maroc. En été 1955, le général Katrou est envoyé à Madagascar pour prendre toute disposition permettant un retour du sultan. Retour qui devient effectif dans les jours suivants. À l'automne, le sultan négocie en France les conditions d'abolition du protectorat et l'abolition obtenue revient triomphalement dans son pays le 16 novembre 1955. Retour triomphal dont témoigne ici l'envoyé spécial de la Radio Nationale Française, Jean Lefebvre.